Selon le journal d'internet sud-coréen Tongilnews, l'action nationale d'urgence pour la démission du pouvoir de Park Geun-hye a tenu le 9 février à Séoul une conférence de presse extraordinaire et déclaré de s'engager dans l'action d'urgence pour la décision rapide de la destitution de Park Geun-hye. Les orateurs ont dénoncé que la bande de Park Geun-hye présente des témoins inutiles pour retarder le jugement de destitution. Ils ont appelé tous à la lutte à la bougie pour la destitution le 11 février, journée de la 15e action pan-nationale.